بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. La première des choses que je vous recommande ainsi qu'à moi-même est de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est la clé du bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. أيها الإخوة الكرام، قد تحدثنا في خطب سابقة عن منزلة الحكم بما أنزل الله في شرعنا الحنيف، وتحدثنا عن منزلته في توحيد الربوبية. ولتفهموا أو لنفهم أهمية هذا الموضوع وخطورة الخلط فيه والتلبيس أو اللبس فيه، أقرأ عليكم ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول عن زمانه، عن أثر غياب المفاهيم الصحيحة في الواقع المعاصر، سواء كان واقعهم أو واقعنا. يقول: فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الأمصار ما يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية، هذا في عصرهم، كما كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن رجب، اغتروا بقول بعض العلماء من المتكلمين أن معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، أي القادر على أن يخلق من غير مثل سابق. دوك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فيز محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dit au sujet de la mauvaise compréhension des réalités religieuses et les conséquences néfastes qu'ils ont sur la vie de tous les jours. Car nous avons parlé dans les khutbas précédentes au sujet du hukm, du jugement par la loi d'Allah, et son lien avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les formes d'unicité. Et afin de comprendre que la confusion à ce sujet-là amène à de graves conséquences, je vais lire les paroles de Cheikh Abdelrahman, qui était le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, au sujet de son époque. Et ce à quoi ça a mené, la mauvaise compréhension et la confusion, et ne pas bien comprendre l'unicité d'Allah, et ne pas bien comprendre les réalités religieuses, à quoi ça mène. Il dit: si les savants de notre époque, jusqu'à l'époque et précédemment, pas qu'à leur époque, et précédemment, sur toutes les terres, ne connaissent du sens de la ilaha illallah que le tawhid dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui étaient avant eux, à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'Ibn Hajar ibn Rajab al-Hanbali, ils ont été trompés par la parole de certains mutakallimin. Qui sont les mutakallimin? Al-mutakallimun ou Ahlul Kalam sont ceux qui prennent des introductions et des bases rationnelles pour déterminer les sujets religieux. هم الذين ينطلقون من مبادئ عقلية ليثبتوا المسائل أو الأحكام العقدية. Donc, les mutakallimun, Ils ont dit que le sens de la ilaha illallah, c'est que d'être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul capable de créer sans un exemple précédent, sans un modèle précédent. Donc ils ont compris ça de la ilaha illallah. Et les savants de l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, qui lui ont déclaré la guerre, qui ont été hostiles vis-à-vis de lui, c'est ce qu'ils comprenaient du sens de la ilaha illallah. Et combien sont nombreux ceux qui comprennent ça aujourd'hui, du sens de la ilaha illallah? Comme Jama'at al-Tablir qui te disent, le sens de la ilaha illallah, huwa al-ikhraj al-yaqin. Al-yaqin fi al-makhlouqat min al-qalb, wa idkhal al-yaqin fi Allah wahdahu la sharika lah. Ka'anna hadha huwa al-tawhid. Bal hadha huwa tawhid al-rububiyya, wa laysa tawhid al-uluhiyya. Comme Jama'at al-Tablir aujourd'hui qui disent que le sens de la ilaha illallah est de faire sortir toutes les mauvaises certitudes, toutes les certitudes dans les créatures du cœur, et de laisser la certitude dans le créateur des cieux et de la terre. C'est tout. Mais cette action qui est de faire sortir ces certitudes-là dans les créatures et ne pas s'en remettre aux créatures, c'est du tawhid dans quoi ça? C'est une forme de tawhid, c'est pas tout le tawhid. Et certains d'entre eux aussi disaient que le sens de la ilaha illallah, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui n'a besoin de personne, et que tout ce qui est en dehors d'Allah a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muftaqiru ilayhi ma'ada wa ulama'u al-ahsa. وعلماء الأحساء ما عادوا شيخنا رحمه الله في مبدأ دعوته إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والعدروس وهم من الطواغيت المعبودة في زمان على عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن عبادة يوسف والعدروس وأمثالهما لا يستفاد بطلانها من كلمة الإخلاص، أي أن مجرد النطق بلا إله إلا الله، أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله لا تدل على بطلان عبادة الأموات، وإنما يستفاد ذلك من الشرع، فالشرع لم يأتي بذلك، فبالتالي لا نحكم على زعمهم، على حد زعمهم أن الشرع لم يأتي بذلك، وبالتالي فنحكم على من يستغيث بالأموال ويطلب منهم المدد والنصر وجلب المنافع ودفع المضار، نحكم على هؤلاء أنهم مسلمون، أخطأوا في الوسيلة فقط، أما أن نحكم عليهم أنهم مشركون، كلا. Donc il dit. Et les savants de l'Ahsa, l'Ahsa était une région en Arabie, et c'est encore une région en Arabie. Ils n'ont été hostiles envers notre Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, rahimahullah, au début de cette da'wah, que parce qu'ils ont pensé que l'adoration de Yusuf et de Idrous, c'était des tawarit adorés en dehors d'Allah. Et ce que je veux dire, « Wa ma'asidu bi tawarit wana, ay annahum kanu radin bi dhalik, wa annahum da'au fi hayatihim ila dhalik. » فهم طواغيت معبودة من دون الله سبحانه وتعالى. أما إن كانوا براء من عبادة الناس لهم فليسوا بطواغيت. كلا. Donc, Yusuf et Idrous étaient des gens adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces gens étaient satisfaits lors de leur vivant, ou qu'ils ont appelé les gens à les adorer, ces gens-là sont des tawarit. Parce que le tawarit, huwa ma'ubida min dunillah wa huwa radi. Et celui qui est adoré en dehors d'Allah, tout en étant satisfait. Donc, les savants de l'Ahsa ont pensé que l'adoration de Yusuf et d'Idrous et de leurs semblables ne peut pas être puisée et ne peut pas être comprise à partir de du simple témoignage de la ilaha illallah. Ils ont pensé que la ilaha illallah n'indique pas que l'adoration des morts est strictement interdite, et que l'adoration des morts est du shirk akbar, et que par conséquent il faut absolument un texte. Et tant qu'il faut un texte, pour eux il n'y a pas de texte qui affirme ça. Les textes sont plus que nombreux. Les textes sont plus que nombreux. Ils ont pensé que le simple fait de dire la ilaha illallah ne prouve pas que l'adoration des morts est invalide. Regardez la mauvaise compréhension de la ilaha illallah, à quoi ça a mené. Ils se sont rangés dans le camp des mouchriquins. Ils ont combattu Da'wat al-Tawhid. Ils leur ont déclaré la guerre. Ils ont été aussi envers le chef. انطلاقا من هذا المبدا الخاطئ من هذه العقيده الفاسده فقد عادوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعادوا دعوه التوحيد وحاربوه مع المشركين واصطفوا في صف المشركين ضد أهل التوحيد. لماذا؟ لأن كلمة لأن عبادة الأموات أو الاستغاثة بالأموات، إن هؤلاء لا يسمون ذلك عبادة، بل العبادة أمر فوق ذلك عندهم، يشترطون الاستقلال أي اعتقاد استقلالية المدعو في جلب النفع ودفع الضر حتى تكون عبادة. أما مع عدم اعتقاد الاستقلالية في المدعو فلا تكون عبادة عندهم. وهذا الذي هذا الذي كان عليه علماء العلماء في الذين عادوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما أكثرهم اليوم من علماء الأزهر وغيرهم الذين يعتقدون أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا تكون عبادة أصلا، وبالتالي لا يكون شركا إلا إن اعتقدت استقلالية المعبود، أي أن هذا المدعو له قدرة استقلالية على جلب النفع ودفع الضر. أما إن لم تعتقد ذلك فقد أخطأت في الوسيلة فقط، وبعضهم قد يزين لك ذلك. وهؤلاء هم أتباع داود بن جرجيس الذي أعلن الحرب على دعوة التوحيد على عهد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. Ces gens qui avaient mal compris le sens de la ilaha illallah, pour eux l'adoration c'était quoi? L'invocation des morts n'est pas une adoration en soi. C'est une adoration lorsque tu as la conviction que l'être qui est invoqué a un pouvoir de lui-même, qu'il ne lui a pas été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, de t'apporter le bien ou de repousser le mal. Tant que tu n'as pas cette conviction-là, ce n'est pas du shirk akbar. Ce n'est pas une ibadah et par conséquent, ce n'est pas du shirk akbar. Et c'était la aqidah qui était propagée à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab rahimahullah ta'ala. Et c'est la aqidah des savants de l'Azhar aujourd'hui, et c'est la aqidah d'un grand nombre de gens aujourd'hui qui pensent que les actes voués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui sont spécifiques, comme les du'as, comme le dhabh et autres, comme le sacrifice et autres, ne sont du shirk et ne sont une ibada que s'ils sont accompagnés de la conviction que l'être que tu as invoqué, il a un pouvoir de lui-même de te donner le bien et de repousser le mal. Mais si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir-là, c'est pas du shirk. أما إن اعتقدت أن الله عز وجل أن هذه هبة من الله، أي أن الله ملكه، أن الله سبحانه وتعالى ملكه القدرة على التصريف في الكون أو على علم الغيب أو غير ذلك، فهذا ليس شركا عندهم. Mais si tu viens à penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir et qu'il lui a même permis de gérer le monde, comme le pense à Soufi, les soufis, ils pensent qu'à chaque siècle il y a des côtés. Il y a des gens qui gèrent l'univers. Allah leur a donné le pouvoir de gérer l'univers. Et anna haoula al-aqtab qad a'tahum Allah subhanahu wa ta'ala al-qudra fi at-tasrif fi at-tasarruf fi al-kawn wa annahum yatasarrafuna kayfa ma sha'u wa idha ma sha'u. Donc selon eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir. Et par conséquent, وَبِالتَّالِي يَتَعَلَّقُ الْخَلْقُ بِهِمْ وَيَخَافُونَهُمْ خَوْفَ السِّرِّ وَيَرْجُونَهُمْ الرَّجَاءَ الَّذِي يَكُونُ شِرْكًا أَكْبَرَ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِمْ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وكل ذلك انطلاقا من مبدأ فاسد ألا وهو أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد استقلالية المدعو أو الذي يخاف أو المرجو أو غير ذلك. Tout ceci sur base d'une mauvaise conception, d'une erreur dans la compréhension de l'adoration, qui est que aucun acte ne peut être une ibada. La peur ne peut être une adoration. La confiance ne peut être une adoration. Les doigts ne peuvent être une adoration. Les sacrifices ne peuvent être une adoration que si tu as la conviction que l'être qui est invoqué et adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de lui-même de faire du bien et du mal. Et imaginez la conséquence néfaste de penser qu'il y a des gens qui gèrent l'univers et qui sont au-dessus du monde et qui décident de ce qui va se passer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir. Quelle est la conséquence de ça? C'est que les créatures vont s'attacher à elles. Et ils vont avoir peur d'eux comme on a peur d'Allah. Et ils vont les aimer comme on aime Allah. Ils vont s'en remettre à Allah, à eux, comme on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha 'aynu shirk. Et ceci est le shirk en soi. Qala tabaraka wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Lam yaqul ya'budunahum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parmi les gens il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Il n'a pas dit il les adore, il a dit il les aime comme on aime Allah, car l'amour c'est la base de l'adoration. فَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الشِّرْكُ بِحَدِّ ذَاتِهِ وَهُوَ الشِّرْكُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ الْعِبَادَةُ بِذَاتِهَا. ولذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن يعطي الله سبحانه وتعالى صفات كماله لغيره تبارك وتعالى. Et c'est pourquoi il est impossible aussi bien dans la raison que dans la législation, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne ses pouvoirs qui lui sont propres et qui sont propres à sa seigneurie à autre que lui, tabaraka wa ta'ala. Et les pouvoirs qui sont la preuve de son droit, de son mérite d'être adoré, il ne peut les donner à personne. Wa sifatu allati takutadullu ala istihqaqihi lil-uluhiyya la yahibuha Allah subhanahu wa ta'ala lighayrihi. Wa min al-khata' ash-shani' kama qultu kama dhakarahu ahlul 'ilm wa qultu wa karrartu al-i'tiqad anna 'Isa 'alayhi salam كان يملك القدرة على شفاء المريض وكان يملك القدرة على إحياء الموتى. هذا من الشرك بالله. من كان يعتقد ذلك فليعد شهادتين. الأمر خطير جدا. الأمر جد خطير. الله سبحانه وتعالى لم يعطي لعيسى عليه السلام القدرة على إحياء الموتى، أي أنه أعطاه هذه القدرة يتصرف فيها كيفما شاء وإذا ما شاء بإذن الله كما يعتقد البعض. هذا خطأ شنيع. وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يحيي الموتى عن طريق عيسى عليه السلام، ولذا كرر بإذن الله مرات عديدة. لماذا؟ ليبين أن هذه الأفعال التي نسبت إلى عيسى عليه السلام لا تنسب إليه كما تنسب إليه سائر أفعاله كالشرب والقيام والمشي. لماذا يقول بأنه يمشي بإذن الله ويأكل بإذن الله مع أنه كل شيء بإذن الله؟ لماذا لم يقل ذلك؟ ليبين أن تلك الأفعال وهي المشي والأكل والشرب أفعال تثبت، أفعال ينسب إليها عيسى أو تنسب إلى عيسى بلا حرج. أما إحياء الموتى وشفاء المريض فإنها لا تنسب إلى عيسى لأنها أفعال له، وإنما تنسب له لأن الله عز وجل فعلها عن طريقه. ولذا أهل العلم يعرفون المعجزة على أنها أفعال الله، أفعال الله خارقة عن، تكون خارقة أو خارقة عن العادة، تبين عن طريق نبي من أنبيائه لتبين ليثبت الله سبحانه وتعالى أو ليكرم، ليثبت الله سبحانه وتعالى أنبياءه وليبين للناس أنهم على حق وصدق. Donc les actions de Isa, je l'ai dit et je le répète, les actions qui ont été attribuées à Isa alayhi salam ne sont pas les actions de Isa, comme le fait de donner la vie aux morts ou de guérir les malades. Isa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui faisait ça à travers Isa. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit wa uhyi al-mauta bi idhnillah, et je redonne vie aux morts par la permission d'Allah. Wa ubri'u al-akmaha wa al-abrasa bi idhnillah, et je guéris le lépreux. Et je guéris le lépreux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il répète par la permission d'Allah? Pour montrer que ses actions ne sont pas les siennes, mais c'est les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait par son biais. Car Isa alayhi salam marchait, transmettait le message. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. لماذا لم يقل بإذن الله؟ لماذا لم يقل بإذن الله هنا؟ Et puis lorsqu'il a dit, et je vous informe de ce que vous cachez chez vous, je vous informe de ce que vous mangez, ce que vous devez manger. Pourquoi il n'a pas dit par la permission d'Allah? Alors c'est par la permission d'Allah qu'il le fait. Lorsqu'il les a informés de ça, pourquoi il n'a pas dit par la permission d'Allah? Car ce n'est pas un acte spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc une différence entre les actes spécifiques à Allah, comme le fait de redonner la vie aux morts, de guérir les malades, de te sauver lorsque personne ne t'entend. Il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Lorsque tu es en difficulté, t'invoques Allah. Lorsque tu as des problèmes, t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es seul et que tu invoques autre qu'Allah, tu invoques un saint parce que tu penses qu'il gère le monde, tu as associé à Allah, tu l'as mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être invoqué, alors que tu ne le vois pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام رحمكم ورحمة الله وإياكم، عودا إلى موضوعنا وهو الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله وعلاقته بالإسلام وبالتوحيد وبالدين وبالإيمان. يعني في هذه المقدمة بينا خطورة انحراف المفاهيم في هذه المسألة. Donc dans cette introduction, nous avons montré le danger de se tromper et de la confusion dans ce sujet. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet principal. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, l'islam comprend la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et qui se soumet à autre qu'Allah sera un mushrik. Pas comme le prétendent certains. بعض الناس يقول أن أن أن من ينتسب إلى الإسلام إن استسلم لله واستسلم لغيره جهلا فإنه يبقى في دائرة المسلمين وهو أخ لنا له من الحقوق ما لنا بل المسلمين وعليه ما على المسلمين وهذا افتراء على الله عز وجل من استسلم لغير الله كما يستسلم لله سبحانه وتعالى لا يكون أخا لنا أبدا والقول في العذر بالعذر بالجهل في هذه المسائل خطأ الشنيع وبدعة كفرية بدعة كفرية ليس الأمر بالسهل. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit donc, celui qui se soumet à Allah, l'islam comprend la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et se soumet à autre que lui sera un associateur. Contrairement à ce que disent certains lorsqu'ils disent qu'une personne qui s'affilie à l'islam, s'il se soumet à Allah et il se soumet à autre qu'Allah par ignorance, il restera notre frère en islam. Et il a comme droit les droits des musulmans. Et il a comme devoir les devoirs des musulmans. Et par conséquent, dans l'au-delà, yushadahu bidukhuli fil janna. Et dans l'au-delà, il sera témoigné, on témoigne qu'il entrera au paradis. Que tôt ou tard, il va entrer au paradis. Il sera châtié s'il a commis des péchés, mais le shirk, il était ignorant, donc il va entrer au paradis. Cette parole, cette aqida, est une bid'a kufriya. C'est une innovation qui excommunie de l'islam. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى ديكوا ماذا قال من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر من هم المشركون الذين يتحدث عنهم الشيخ كيت المشركين من هؤلاء هم المشركون في زمان لم يكن يتحدث عن اليهود والنصارى فالامر مفروغ منه وإنما كان يتحدث عن المنتسبين إلى الإسلام من عباد الأوثان ومن عباد القبور. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dans le troisième naqid. Il n'y a pas que 10 naqid, il n'y a pas que 10 annulatifs de l'islam. Il y en a beaucoup, il y en a un très grand nombre. Mais ces 10-là, لماذا ذكرت هذه العشر؟ Pourquoi ces 10 ont été évoqués؟ Premièrement, لأنها المجمع عليها. Parce qu'il y a l'unanimité des savants dessus. ثانيا لأنها أكثر وقوعا بين الناس. Parce que c'est celle qui se produit le plus entre les gens. Qu'est-ce qu'il a dit dans le troisième? Celui qui ne fait pas le takfir des mushrikin, qui doute de leur coufre, ou qui authentifie, qui dit que leur voile est bien, celui-ci sera mécréant à l'unanimité des musulmans. Il parle de quel mushrikin? C'était ceux qui étaient présents à son époque, qui adoraient les morts. فالامر ليس بالسهل. La chose elle n'est pas simple. On ne peut pas fermer les yeux sur des choses comme ça. Il faut qu'on soit clair là-dessus. والعلة والمناط في تكفير المشرك في كفره ما لم يكفر المشركين هي التكذيب ورد النصوص. فمن كان جاهلا يبين له الأدلة من الكتاب والسنة وتزال عنه الشبه إن كانت ثمة شبه فإن أصر بعد البيان الواضح الجلي فيكفر ولا كرامة. Celui qui a un doute, ses ambiguïtés, les preuves doivent lui être exposées. Comme a dit le Cheikh Suleiman, rahimahullah ta'ala, Suleiman ibn Abdillah, qui a été tué par qui? Par Ibrahim Bacha, qui a été envoyé par l'Empire Ottoman pour arrêter la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il a été tué, puis crucifié. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a Nafi Zamani. الدولة العثمانية بعثت وليها على مصر وهو إبراهيم باشا لينهي دعوة التوحيد في دعوة التوحيد في النجد فأتى بجيوش كبيرة لينهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فمر على بعض القرى فدعا أهلها لينضموا إليهم لقتال دعوة التوحيد لقتال دعوة التوحيد وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فألف الشيخ سليمان رسالة كتبها بدمه كتبها بدمه وضحى من أجلها، كتب رسالة موالاة أهل الإشراك، نسيت عنوان الرسالة بالضبط، بين فيها أن من ساعد هؤلاء فهو كافر بإجماع المسلمين. Donc le cheikh Souleyman, rahimahullah, lorsque l'Empire ottoman a demandé à son représentant en Égypte d'attaquer la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a écrit une risala. Parce que ces armes-là, ils passaient, ils allaient voir les villageois et leur demandaient de les rejoindre pour combattre la da'wa de Cheikh Mohammed. Le cheikh Souleyman a écrit une risala qu'il a écrit par son sang avant d'écrire par sa plume, parce qu'il est mort juste après. Il a écrit une risala sur le hukm, le statut de celui qui s'allie aux associateurs et qui combat dans leur rang contre les mouchriquins, contre les musulmans. Qui étaient ces associateurs? Ceux qui s'appuyaient à l'islam en Égypte, les dans l'Empire ottoman. Il a écrit cette lissale en montrant que celui qui les aide contre les musulmans et qui combat dans leur rang contre les musulmans, il est mécréant à l'unanimité des musulmans. Puis à la suite de ça, يعني جيوش المشركين غلبت جيوش التوحيد، وبعد ذلك استولى إبراهيم باشا على النجد، وأخذ الشيخ سليمان وقتله وأخذ أباه والشيخ عبد الرحمن بن حسن ونفاه من مصر. puis à la suite de ça il a tué الشيخ سليمان الشيخ qui est le fils d'Abd Allah. Abd Allah c'est le fils de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il a pris son père Abd Allah et certains de ses petits-enfants, ils les ont emmenés en Égypte. Et là, le premier état saoudien s'est terminé. وانتهى الدولة التوحيد الدولة السعودية الأولى. Donc, le cheikh Souleyman, rahimahullah ta'ala, il dit فمن كان شاكا في كفرهم. Celui qui doute de leur kufr, c'est-à-dire des Égyptiens qui venaient pour attaquer la da'wah de Cheikh Mohammed. Il a dit تبين له الأدلة من الكتاب والسنة. Les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent lui être exposées. Fa'in arsal wa kafar. S'il persévère, il devient mécréant. S'il persévère, après l'exposé, il devient mécréant. Famanatu kufri man lam yukaffir al-mushrikin at-takdhib wa radd an-nusus. Li'annahu in lam yakun kadhalik fama ad-da'i min dhikri al-kitab wa as-sunna. In kana man lam yukaffir al-mushrikin in kana kafiran asliyan lam yafham ma'na la ilaha illallah aslan fama ad-da'i min dhikri al-kitab wa as-sunna aw adillati al-kitab wa as-sunna. لأن من لم يحقق أصل الإسلام فهو مشرك سواء كان جاهلا أو كان عالما. وبيان الأدلة من الكتاب والسنة ما هو إلا زيادة حجة عليه. أكمل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. Et celui qui ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, je termine les paroles du Cheikh l'Islam, lorsqu'il dit l'Islam comprend deux choses, la soumission à Allah seul, celui qui se soumet à Allah et à aucun Allah en même temps sera un associateur, un mushrik, pas un muslim. Et celui qui ne se soumet pas à Allah sera un orgueilleux, qui se sera refusé par orgueil de se soumettre à Allah et d'adorer Allah. Wal mushriku bihi wal mustakbiru an ibadati kafir. Et le mushrik, celui qui associe à Allah et celui qui s'enfle d'orgueil face à l'adoration d'Allah sont tous les deux mécréants. Wal istislamu lillahi wahda yatadammanu ibadata wahda wa ta'ata wahda. Et la soumission à Allah seul comprend et comporte l'adoration d'Allah seul et l'obéissance à Allah seul. Donc d'adorer Allah seul et de reconnaître le droit d'obéissance absolue à Allah seul. هو الاستسلام يتضمن عبادة الله وحده وطاعته وحده بأن لا تعترف بحق الطاعة المطلقة لغير الله سبحانه وتعالى وأن لا تطيع أحدا في كفر ولا شرك ولا معصية فإن طعته في كفر وشرك فكنت مشركا وإن طعته في معصية كنت فاسقا عافاني الله وإياكم من ذلك وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ابن القيم وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، أي المسلم يرضى كل الرضا. بحكم الله وأمره ونهيه وبقول الله سبحانه وتعالى. ولم يبقى في قلبي حرج بقول الله وبحكم الله وبنهيه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقول ابن القيم: ولم يبقى في قلبي حرج في حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه او هواه او قول مقلده او قول مخلده وشيخه وطائفته. انتهى كلامه من مدارج السالكين. ابن القيم رحمه الله dit: quant à la satisfaction de la religion d'Allah, quant à la satisfaction de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah dit une chose, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, juge une chose, lorsqu'il ordonne une chose, lorsqu'il interdit une chose, le musulman se doit d'être totalement satisfait. Et qu'il ne ressente aucune gêne intérieure face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il s'y soumette d'une totale soumission, même si ça s'oppose à ses penchants naturels et à ses volontés intérieures. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit une chose, tu la suis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, ou a jugé d'une chose, ou a ordonné une chose, ou a interdit une chose, tu le suis, même si ça s'oppose à tes passions et tes penchants naturels. Même si ça s'oppose à la vie et la position du cheikh que tu suis aveuglément, ou à ton groupe. Lorsque la vérité t'apparaît, tu ne dois la délaisser pour personne. وفي المقابل أيها الإخوة الكرام، فإن من أشرك مع الله في حكمه فهو كالمشرك في عبادته، لا فرق بينهما. كما قال الشنقيطي رحمه الله، كما جاء في أضواء البيان، قال: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كله بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. فإذا ليس هذا قول التكفيريين، ولا قول الخوارج، ولا قول الحرورية، ليس هو قول أهل الأهواء، بل هو قول أئمة، قول الله تبارك وتعالى أولا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قول أئمة المسلمين، ليس هو قولنا كما يزعم بعض المفتونين. Donc, ayyuha l'ikhwatul kiram, en opposition à ça, dès lors qu'on sait que le droit d'obéissance absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça fait partie du tawhid, et qu'on doit être satisfait du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit, il est à savoir que celui qui est associé à Allah dans son jugement, et celui qui est associé à Allah, et qui donne à Allah un égal dans son adoration, les deux sont les mêmes. Ils ont le même statut. Al-Amin al-Shanqiti rahimahullah dit dans Adwa al-Bayan, volume 7, page 162, il dit: Al-Ishraku billahi fi hukmi, associé à Allah dans son jugement, wal-Ishraku fi ibadati, et lui donner un associé dans son adoration, kulluha bima'nan wahid, les deux, ces deux-là, ils ont la même signification et le même sens. La farqa baynahuma al-batta, il n'y a aucune différence entre eux, entre associé à Allah dans son jugement et associé à Allah dans son adoration. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله, celui qui suit un ordre autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, وتشريعا غير تشريع الله, et une législation autre que la législation d'Allah, كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن, il est comme celui qui adore les idoles adorées en dehors d'Allah et qui se prosterne devant, il est comme celui qui adore les statues et qui se prosterne pour les idoles adorées en dehors d'Allah. لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه, il n'y a aucune différence entre eux, aucune différence. Fahuma wahid, ils sont une seule et même réalité. Kilahuma mushrikun billah, les deux sont des associateurs à Allah, les deux sont des mushrikin. Fin de citation des paroles du Cheikh. Donc ce n'est pas la parole des khawarij, ou la parole des takfiriyin, ou la parole des gens des passions comme le prétendent Mourdiatul Asr. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la parole des imams de la communauté. ويقول أيضا ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. Il dit ensuite, et on comprend de ce verset, le verset dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il ne s'est donné aucun associé dans son jugement. Il dit, on comprend de ce verset, que ceux qui suivent les lois des législateurs, contraires aux législations d'Allah, que ceux-là sont des mushrikoun, que ceux-là sont des associateurs, des polythéistes. وَهَذَا مَفْهُومٌ جَاءَ مُبَيَّنًا مَبْنِيًا مُبَيَّنًا فِي آيَاتِ أُخْرَى كقوله في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم أي أطعتموهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل الله إنكم لمشركون نص قرآني قطعي الدلالة فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. Il dit ensuite, cette compréhension a été exposée dans d'autres versets, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ceux qui suivent la législation du shaitan lorsqu'il a permis la bête morte. Sous prétexte qu'elle est le sacrifice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, et ne mangez pas des bêtes sur lesquelles, et ne mangez pas des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été sacrifié. Et certes, ceci est de la perversion, c'est-à-dire que vous outrepasserez les limites qu'Allah a fixées en agissant de la sorte. Et les shayatins, les démons, inspirent à leurs alliés afin qu'ils polémiquent avec vous. Et si vous leur obéissez, c'est-à-dire si vous leur obéissez en permettant ce qu'Allah interdit, qui est la bête morte, si vous leur obéissez, vous serez certes des associateurs. Vous serez certes des associateurs, des polythéistes. Vous serez plus musulmans. فَصَرَّحَ بِأَنَّ مُشْرِكُونَ بِطَاعَتِهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala a donc clairement exposé que s'ils leur obéissent dans cette législation, en permettant ce qu'Allah interdit, ils seront des associateurs, des polythéistes. وَهَذَا الْإِشْرَاكُ فِي الطَّاعَةِ وَاتِّبَاعُ التَّشْرِيعِ الْمُخَالِفِ لِمَا شَرَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُرَادُ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Et cette association dans l'obéissance, ce chiffre dans l'obéissance, pas comme certains qui se concentrent sur ibadat al-qubur, je diminue pas la gravité de ibadat al-qubur, on en a parlé juste avant dans la première. Mais certains qui sont très très durs là-dessus. Et lorsqu'on arrive à ibadat al-qusur ou à ibadat al-shirk fi ta'a, tajidhum sakitin as-samitin bal بل ينشرون الباطل ويدعون إلى الباطل ويحاربون من ينشر الحق ومن يدعو إلى الحق ومن يبين هذا الشرك. Ces gens-là qui aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de parler du chiffre dans les qubur, dans l'adoration, je ne diminue pas la gravité de ça. On en a parlé dans la première khutbah. Mais lorsqu'il parle de l'adoration dans le shirk, dans l'adoration des morts, tu les vois très très durs. Et dès qu'il s'agit du shirk dans l'obéissance, tout d'un coup ils sont silencieux, ils n'ont plus rien à dire. Bien plus, ils combattent ceux qui disent la vérité et ceux qui montrent que ceci est du shirk akbar. Il n'y a pas de... Le shirk ne se limite pas à l'invocation des morts qui est très très grave. Le shirk est aussi dans l'obéissance d'autres qu'Allah, dans une législation générale, en permettant ce qu'Allah a interdit et en interdisant ce qu'Allah a permis. Même si la personne n'a pas la conviction, même si la personne a la conviction que la loi d'Allah est meilleure. هذا توحيد الربوبيه لا ينفعه ولا لا ينفعه ولا يسمن ولا يغني من جوع بل المسلم هو الذي اتى بتوحيد الربوبيه مع توحيد الالوهيه قال تبارك وتعالى الذين امنوا ما معنى امنوا وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ما المقصود بوما يؤمن أكثر بالله؟ أي كما قال ابن عباس وما يؤمن أكثرهم بأن الله الخالق الرازق المدبر وغيره من أنواع توحيد الربوبية. وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون في ماذا؟ مشركون في العبادة. نفس الشيء هنا قال تبارك وتعالى الذين آمنوا أي آمنوا بربوبية الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم؟ الشرك في العبادة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لم يأتي بأصل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فليس له من الأمن شيء وليس له من الاهتداء شيء. Donc, on disait par rapport à celui qui croit que la loi d'Allah est meilleure que une autre loi, mais dans le même moment, il obéit au shaitan en permettant ce qu'Allah interdit, et il obéit à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en permettant ce que cet autre a interdit, en permettant ce que cet autre a permis, et alors qu'Allah interdit, il lui obéit et il se soumet à sa loi et légifère cette loi dans son pays. Celui qui fait ça, même s'il pense que la loi d'Allah est meilleure, ça ne lui sera d'aucune utilité. Pourquoi? Car il ne suffit pas d'avoir le tawhid dans la seigneurie. Il faut le tawhid dans l'ouluhiya, dans la divinité. Le tawhid dans l'adoration. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi de quelconque injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu que l'injustice ici c'est le shirk. Ceux qui ont cru qu'ils n'ont pas entaché leur foi d'une quelconque injustice, ceux-là seront en sécurité et ceux-là seront bien guidés. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par ceux qui ont cru? Ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont cru en la seigneurie d'Allah. Comme Allah avait dit dans un autre verset, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire ne croient en la seigneurie d'Allah, qu'en étant des associateurs, qu'en lui donnant des associés dans l'adoration. Donc il ne suffit pas d'avoir le tawhid dans l'ouluhiyya, de savoir que la loi d'Allah est meilleure. Il faut se soumettre à cette loi, il faut aimer cette loi, accepter cette loi, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne le fait pas, il n'entre pas dans le verset, car Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi d'injustice, c'est-à-dire de chier, ceux-là seront bien guidés, et ceux-là seront en sécurité, et ceux-là seront bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les sahaba qalu ayyuna lam yadhlim nafsa, qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même, lorsque ce verset a été révélé, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith as-sahih, qala alam tasma'u laysa huwa adh-dhulm, laysa ma fahimtumuh, ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم alam tasma'u ila qawl al-'abd as-salih luqman ibnihi wa huwa ya'idhu, qala tabaraka wa ta'ala wa qala luqman liibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Il leur a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? Le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit, ce n'est pas le shirk que vous pensez, ce n'est pas l'injustice que vous pensez. Afwan. Les sahabes ont compris que c'était toute injustice. Dès que je suis injuste envers moi-même, je n'ai aucune sécurité dans l'au-delà et je ne serai pas bien guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dans le hadith sahih, ce n'est pas l'injustice que vous pensez. N'avez-vous pas entendu la parole de l'homme sage, Luqman, lorsqu'il a dit à son fils en l'exhortant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque Luqman dit à son père, à son fils, ô mon fils, lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, ô mon fils, ô très cher enfant, n'associe pas à Allah, car l'association est une énorme injustice. C'est ça la justice dans ce verset. Donc celui qui vient avec tawhid al-ulouhiyya, sans tawhid al-ulouhiyya, tawhid al-ibada, sa foi ne sera pas valable et son adoration ne sera pas, son tawhid ne sera pas accepté. Donc celui qui est convaincu que la loi d'Allah est meilleure que la loi d'autre qu'Allah, mais dans le même moment, il établit une autre législation que la législation d'Allah, et il juge par une loi générale, l'appliquant à tous les cas de figure, par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et impose cette loi, et torture ceux qui lui demandent d'appliquer la loi d'Allah, celui-ci n'y a pas de doute que c'est un mouchrik. Certes, il a cru au tawhid dans l'ouluhiyya, comme les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci ne lui sera d'aucune utilité. Okmil au kalam, la Shafiqi rahimahullah ta'ala, fayaqul. Et ce shirk dans l'obéissance et dans le suivi d'une autre législation, d'une législation contraire à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est visé par l'adoration du shaitan. Allah nous a interdit d'adorer le shaitan. Regardez, c'est l'obéissance du shaitan dans ce qu'Allah, en permettant ce qu'il a permis et qu'Allah a interdit, et en interdisant ce qu'il a interdit et qu'Allah a permis, cette obéissance est l'objectif et ce qui est visé par l'adoration du shaitan dans la parole d'Allah. Ô Bani Adam, n'ai-je pas pris de vous l'engagement de ne pas adorer le shaitan? Il est certes pour vous un ennemi déclaré, et adorez-moi, ceci est le chemin de la voiture. Wa qawli ta'ala an nabiyyi Ibrahim alayhi salam, ya abati la ta'budi shaitan, inna shaitan kana lirrahmani asiya. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père, ô mon père, ô père, ô cher père, n'adore pas le shaitan. N'adore pas le shaitan, car certes le shaitan a été désobéissant au miséricordieux. Donc on voit ici que l'adoration, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance dans une législation générale, en imposant cette législation et en prenant cette législation à la place de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en permettant ce qu'Allah interdit, en interdisant ce qu'Allah a permis, est une des formes de shirk les plus claires. فاتباع شرع مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. ولا أقصد بالتحليل والتحريم هنا الاعتقاد، يعني اعتقاد أي ما ينافي قول القلب، أي بل حتى ما ينافي عمل القلب، وهو إلزام الناس بهذا التشريع، هذا ينافي عمل القلب. أما اعتقاد عمل عدم صلاحية هذا الشرع أو هذا الحكم لهذا العصر فهذا ينافي قول القلب، وأهل السنة مجمعون على أن الكفر يكون بقول القلب وبعمل القلب وبقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. وإن شاء الله ننهي الخطبة عند هذا الحد ونكمل في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى إن قدر لنا اللقاء البقاء واللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا يا ربنا على من طغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلك سقيمة صدورنا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله. وقبل ذلك لا تنسوا الصلاة على النبي، فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم.